4 heures. Savais-tu que les Français passent en moyenne 4 heures par jour devant leur télévision? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner un challenge à tenir si tu veux devenir un investisseur rentable. Me présenter, je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement, le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu cliques et tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc je vais te parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur parce que avant j'étais un gros consommateur de médias, de télévision, de sport à la télé. Je regardais tout ce qui était possible de regarder. Et honnêtement, je pense que je passais encore plus que 4 heures par jour devant la télé. Aujourd'hui, pour faire cette vidéo, j'ai regardé, donc on est environ à 4 heures, un peu moins de 4 heures passées devant son écran par les Français. Alors c'est une moyenne. Bien évidemment, ça, on peut comprendre pourquoi 95% des Français ne seront jamais des investisseurs rentables et seront toujours des personnes aigries. Des personnes qui se disent ne jamais avoir le temps de rien et en fait ils passent 4 heures de leur journée devant une fucking télé. C'est quelque chose qui est hallucinant. 4 heures par jour, 28 heures par semaine, tu feras les comptes pour voir combien d'heures ça fait par mois, c'est juste énorme. Une journée par semaine est passée, du coup, environ une journée, plus d'une journée par semaine est passée devant l'écran. Moi, ce que je vais te proposer, c'est un challenge de 30 jours. Donc, tu vas me mettre dans les commentaires si, yes, tu veux bien le faire. Il y aura un cadeau parmi ceux qui me répondront à yes. Je tirerai au sort l'une des personnes à la fin des 30 jours qui m'aura dit qu'il a tenu. Et il aura un cadeau inspirant comme je sais les faire. Donc, le challenge, c'est assez simple. C'est une diète médiatique. Je vais te proposer une diète médiatique. Ça veut dire que tu ne vas plus regarder ni les journaux télévisés. Tu vas plus. Tu le seul truc que tu peux regarder à la télé, c'est une série que vraiment tu kiffes ou un film avec ta chérie, avec ton chéri. Aucune chose. Tu ne vas plus regarder aucune chose qui n'a pas sur lequel tu n'as pas une influence directe ou sur lequel qui va pas t'apporter toi à ton quotidien par rapport à tes objectifs que tu t'es fixé. Aujourd'hui, si tu veux être un investisseur rentable, tu as le droit de regarder ton écran pour aller checker le bon coin, rendement locatif, se loger, les sites de vente aux enchères, les sites de notaires, quelques groupes vraiment triés sur le volet sur Facebook si tu as des questions. Tu as le droit de rejoindre le groupe privé Immo Rentable et Sécurisé si tu le souhaites, c'est mon club privé. Et là, tu pourras de temps en temps échanger, bien évidemment. Mais tu vas limiter au maximum tes écrans et tu ne vas faire des choses que là où tu peux avoir un impact. C'est-à-dire, tu vas voir, tu retires l'écran et tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta vie, tu vas faire du sport, tu vas pas regarder forcément ce match de foot à la télé. C'est cool, un match, mais le troisième de la semaine, ça commence à faire beaucoup. À la place, au pire, tu vas mettre des baskets, tu vas mettre un short et si tu veux vraiment regarder du sport, va le faire. Va faire le sport. Et là, tu vas apporter quelque chose dans ta vie et tu vas te créer un mindset de gagnant qui fait que derrière, dès que tu vas faire quelque chose comme de l'investissement, bah, tu vas y arriver parce que tu le seras mis des défis, tu n'auras pas fait carpette juste comme ça sur le canapé en train de regarder une boîte qui te donne des informations dont à 95% tu n'as pas besoin ou tu n'en as juste rien à faire. Je suis super mal placé pour te le dire et je relève le défi avec toi. Parce que moi, il y a quelques années, comme je disais au début de la vidéo, j'étais un gros consommateur de télé. Et c'est en lisant des livres inspirants, en allant vers des personnes qui sont sorties de cette partie-là, qui m'ont inspiré vers des mentors. C'est ça qui me permet aujourd'hui bah, de plus regarder la télé et en fait de trouver que regarder la télé, c'est une réelle perte de temps. Voilà, c'était une vidéo pour te donner voilà, un challenge. Donc, diète médiatique pendant 30 jours. Tu me mets un petit yes Damien, j'y vais avec toi. Et si au bout de 30 jours, tu as fait ta diète médiatique, je tirerai au sort parmi les personnes qui ont relevé le défi et il y aura un petit cadeau pour celui qui sera tiré au sort. Voilà. Rapide vidéo pour te donner une vraie vidéo de mindset. Hein, parce que quand on est un entrepreneur, quand on est un investisseur, le plus important, c'est l'état d'esprit. C'est avoir un câblage interne qui est fort et qui est vraiment un câblage qui va permettre derrière d'affronter toutes les étapes que tu vas avoir pour devenir un investisseur rentable, que tu vas avoir pour devenir un entrepreneur à succès. Si tu as aimé en tout cas cette vidéo, n'hésite pas à la partager à des amis à toi qui regardent trop la télé ou qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent faire des investissements rentables. Hein, mon objectif, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes par l'intermédiaire de ma chaîne YouTube Esprit Gagnant. Donc voilà, mets-moi un gros like. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Donc t'appuies sur le petit bouton s'abonner. Tu auras une petite cloche. Tu sélectionnes. Ça va te permettre de t'envoyer les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. J'en publie environ 2 par semaine. Donc ce serait dommage de les louper. Et dans les commentaires, bah, dis-moi si tu relèves le challenge, si tu es OK avec moi ou si tu trouves que c'est n'importe quoi et que c'est très bon de passer 6 heures devant la télévision, bah, mets-le moi parce que eh ben, tout le monde a le droit de donner son point de vue et je serai heureux d'en discuter avec toi dans les commentaires. Je te dis en tout cas à très bientôt. On passe à l'action dans ce challenge médiatique. Je te dis en tout cas, porte-toi bien, à très bientôt. Ciao, ciao!